L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. 30 ans après son survol d'Uranus, la sonde Voyager 2 livre encore des résultats sur la planète bleue aux anneaux. Les images des anneaux d'Uranus de Voyager 2, retraitées avec les moyens d'aujourd'hui et comparées avec celles de Saturne produites par Cassini, indiquent qu'Uranus posséderait deux nouvelles lunes, toutes petites. Rob Chancia, chercheur doctorant à l'université de l'Idaho, a repéré qu'il existait une surdensité de matière sur le bord de l'anneau alpha et que cette dernière variait périodiquement. L'anneau alpha d'Uranus est l'un des anneaux les plus brillants de la Belle Bleue. Et en observant plus attentivement, Chancia a également repéré une forme similaire du même côté mais sur l'anneau bêta. Chancia et ses collègues publient leur étude dans The Astronomical Journal. On y découvre que lorsque le défaut est observé depuis différents endroits autour de l'anneau, la longueur d'onde est différente, ce qui indique qu'il s'agit de quelque chose qui bouge lorsque l'on contourne l'anneau et qui brise ainsi la symétrie circulaire. Les anneaux d'Uranus ont été découverts en 1977 depuis la Terre, l'année même où les deux sondes Voyager ont pris leur envol. Et ce n'est qu'en janvier 1986 que Voyager 2 est arrivé aux environs d'Uranus pour la survoler et imager son système d'anneaux bien plus étroit et fin que ceux de Saturne. Chancia et ses collègues connaissent bien les anneaux de Saturne pour les avoir étudiés avec Cassini, et ce sont ces données qui les ont mis sur la piste pour l'anomalie observée dans les anneaux d'Uranus. Ils ont réanalysé les occultations radio qui avaient été effectuées par Voyager 2, des signaux radio envoyés vers la Terre à travers les anneaux, ainsi que des occultations stellaires, des observations d'étoiles à travers les anneaux. Ils trouvent alors que les structures anormales observées dans les anneaux d'Uranus sont tout à fait similaires avec des structures ondulantes observées sur les anneaux de Saturne et qui sont associées à la présence de mini-lunes. Les chercheurs estiment la taille de ces deux nouvelles mini-lunes d'Uranus entre 4 et 14 km de diamètre, du même ordre que certaines mini-lunes de Saturne. Voyager 2 ne pouvait pas voir des satellites aussi petits, pas suffisamment sensible pour détecter des objets de si petite dimension et aussi faiblement lumineux. Ce qui est intéressant, c'est que l'existence de ces deux mini-lunes pourrait permettre de résoudre une petite énigme concernant les anneaux d'Uranus. En effet, le système d'anneaux uraniens est étonnamment étroit comparé à celui de Saturne. Or, on sait déjà que deux des 27 satellites connus d'Uranus, Cordelia et Ophelia, qui ont d'ailleurs été découverts par Voyager 2, agissent comme des lunes bergères, entre guillemets, sur l'anneau Epsilon, en le stabilisant. Et il se pourrait que les deux nouvelles mini-lunes potentiellement présentes agissent de la même façon sur les anneaux Alpha et Beta, ce qui fournirait une belle explication à ce mystère non résolu par les astronomes depuis 1977. Rob Chancia et ses collègues planchent déjà sur d'autres données archivées de Voyager 2 à la recherche de nouveaux indices, en attendant que des puissants télescopes terrestres soient pointés à nouveau vers Uranus et puissent faire mieux qu'une visite in situ. L'article de Rob Chancia et ses collègues s'intitule « Are there moonlets near Uranus Alpha and Beta Rings ?» et il a été accepté pour publication dans The Astronomical Journal. Je mets le lien vers le préprint sur le site de Préprint Archive de cette publication. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de Uranus se contemple indéfiniment. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Uranus, tiens, pourquoi pas, qui est visible le soir en ce moment. Peut-être que je ferai prochainement un billet sur comment observer Uranus à l'œil nu bientôt, oui, c'est une idée. Et donc, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut !